Chapitre 37e. Rose menait une existence misérable. Dans le premier moment de trouble qui avait suivi la mort de Florence, elle avait presque oublié le choc que lui avait causé le refus de Saint-Chey. Mais en reprenant ses habitudes, en remuant la chaîne de ses souvenirs, elle en avait ressenti l'affront comme un soufflet sur sa joue. Puis, en y réfléchissant, elle avait fini par se dire qu'il avait raison. En effet, qu'était Rose pour lui ? La compagne de 3 années d'exil volontaire. Mais pendant ces 3 années, elle l'avait impitoyablement tyrannisée. Cela l'amusait alors de dépenser sa mauvaise humeur sur l'excellent garçon. Elle se croyait bien sûre de son empire, et d'ailleurs, ne l'aimant que d'une affection très superficielle, elle se souciait peu qu'il cessât de l'aimer. C'est toujours de la peine amère qu'elle avait senti le besoin d'une main amie tendue vers elle. Elle avait voulu fuir André, mettre entre elle et cet amour ridicule une barrière définitive. Saint-Chey n'était-il pas le plus aimable compagnon de route qu'elle pût imaginer? Il avait refusé, elle en souffrait à la fois dans son cœur et dans son amour-propre, et cependant, s'il avait accepté de la suivre, peut-être bien, 8 jours après, l'eût-elle renvoyée en Europe, toute honteuse et tout meurtrie d'avoir pu croire que Rose avait pour lui une affection sérieuse. Rien n'empêchait plus la jeune femme de se livrer à ses tristes méditations. La compagnie de Florence, toute lugubre qu'elle fût, avait été une sorte de distraction pour elle. Cela même n'existait plus. Rose regarda sa vie en face et la prit en dégoût. André, cependant, se montrait toujours le même, avec cette nuance de pitié bienveillante et hautaine qu'il avait indiquée lors de la mort de la vieille servante et dont il ne s'était plus départi. La grande résignation de Marguerite avait fini par agir sur lui, bien qu'il eût ses moments de révolte, et il ne voulait pas se montrer moins généreux que la jeune fille. Les soirées s'écoulaient tristement dans l'appartement des époux. André n'allait plus chez Langlois qu'environ tous les 2 jours, et seulement avant l'heure du dîner. Il avait senti aussi le changement dont lui avait parlé Marguerite, ce refroidissement à son égard, cette intention de l'éliminer doucement des affaires de la famille, cette résolution de l'amener par degrés à comprendre qu'il devait cesser ses visites. On parlait aussi plus ouvertement du projet de voyage, qui, dans la pensée du docteur et de sa femme, devait clore l'intimité forcée, amenée par la maladie de la jeune fille. Que deviendrait-il, lui, quand elle serait partie? Personne ne semblait s'en inquiéter. Il était assez grand garçon pour prendre soin de lui-même. C'est au travail qu'il demandait l'oubli de ses soucis. Il allait rarement dans le monde et passait le plus souvent la soirée devant son bureau. Rose brodait ou lisait au salon jusqu'à minuit, l'oreille tendue au moindre bruit, espérant que le hasard d'un livre oublié, d'un journal à consulter, ramènerait André pour 1 minute, ainsi qu'il arrivait parfois, et dans cette attente silencieuse, elle la vivait sa passion cachée sous la plus extrême torture. Peut-être, en la voyant ainsi tous les soirs, presque immobile, les yeux baissés, muets, André s'était-il demandé ce qui pouvait bien se passer dans ce cerveau bizarre. Mais la conduite extérieure de sa femme étant irréprochable, il avait mis de côté cette question peu intéressante. Il était beaucoup trop absorbé dans ses préoccupations pour s'appesantir sur celles des autres. Grand fut son étonnement, un soir, au moment où il se retirait pour travailler, d'entendre Rose lui demander de sa voix mélodieuse « Voyez-vous quelquefois le docteur Langlois ?»« Oui, » répondit-il très surpris. « Pourquoi ?»« Je me sens fort souffrante depuis quelque temps, » dit-elle avec le même calme. « Je crains un retour de mon ancienne maladie, et il me semble que je ne saurais mieux faire que de m'adresser à lui. Voudriez-vous le prier de passer me voir au premier jour ?» André regarda sa femme avec une certaine attention. La demande n'avait rien d'extraordinaire en apparence, et cependant le passé semblait avoir mis entre Rose et Langlois une barrière infranchissable, définitive. Il eut peur de quelque chose, sans savoir de quoi. « Je sais, reprit-elle, que ma demande vous semble singulière, étant donné que le docteur et moi nous étions quittés en assez mauvais termes lors de mon départ pour l'Amérique. Mais c'est d'un cas médical qu'il s'agit, et vraiment je ne vois pas du tout à qui je pourrais m'adresser, s'il refusait de me rendre le service que je vous prie de lui demander pour moi. » En effet, Rose avait l'air malade. Elle dépérissait rapidement. André s'en aperçut pour la première fois et n'hésita plus. « Je lui ferai part de votre demande, » dit-il. « Quand cela ? Mais demain ?» Il pensa avec joie que ce serait un prétexte pour revoir Marguerite qu'il avait à peine entrevue le jour même. « Dites-lui bien, n'est-ce pas ? Que c'est pour une affaire médicale. Sans cela, il refuserait peut-être de venir. Nous nous sommes fort querellés jadis. J'avais bien mauvais caractère dans ce temps-là. Vous ne pouvez pas l'avoir oublié. Je crois avoir changé depuis. » En effet, dit André, ému d'une certaine pitié à la vue de son visage souffrant. Dans la voix, toujours harmonieuse, il sentait aussi vibrer quelque chose de douloureux. « Je ferai ce que vous me demandez, et j'espère que le docteur pourra vous apporter quelque soulagement. »« Je vous remercie, » dit-elle, en levant sur lui son regard qu'elle laissa retomber aussitôt. Il rentra chez lui, perplexe et troublé. Le lendemain, il se rendit chez Langlois aussitôt après le déjeuner, et le trouva dans son cabinet prêt à sortir. En le voyant, celui-ci prit l'air froid que depuis quelque temps André avait appris à connaître. « Je suis porteur d'une demande assez bizarre, » dit l'ingénieur en s'asseyant, sans paraître prendre garde à cet accueil. « Ma femme se plaint d'un malaise particulier, qu'elle attribue à un retour de la maladie dont tu l'as guérie autrefois. Elle voudrait te consulter à ce sujet. » Langlois regarda son ami avec une fixité singulière. André confirma sa demande d'un signe de tête. « Elle veut me voir, chez elle. »« Oui ?»« Il est clair qu'elle ne peut pas venir ici. »« C'est juste. »« Et tu es sûr qu'elle t'a dit de me demander d'aller la voir ?»« Évidemment. »« Sans cela, pourquoi t'aurais-je dérangé ?» fit André, blessé de cette insistance. « C'est que dans les termes où nous nous sommes quittés, cela me paraît si étrange. »« Enfin, j'irai. Je ne puis pas faire autrement. »« Peux-tu m'indiquer le moment de ta visite ?» Le docteur réfléchit un instant. « Demain après-midi, vers 3 heures. »« C'est bien. » fit André, « je le lui dirai. » Il resta silencieux un instant, le cœur plein de choses amères qu'il n'osait dire. Il attendait une bonne parole, un geste affectueux de la part de son ami. Langlois resta impassible en feuilletant son carnet comme il le faisait toujours avant de sortir. Enfin André se leva. « Puis-je voir ces dames ? » demanda-t-il d'une voix altérée. « Elles sont en grand conciliabule avec la couturière, » répondit le docteur toujours froid. « Je ne pense pas qu'elles soient visibles. » C'est une grosse affaire que les toilettes de voyage. Elles vont partir, fit André en conservant son sang-froid extérieur, mais le cœur blessé comme sous le poignard le mieux affilé. Dans une dizaine de jours, l'air du midi fera le plus grand bien à ma belle-sœur, qui n'a plus besoin que de cela pour se porter à merveille. André tendit la main au docteur. Celui-ci la serra fortement et lui fit un geste d'adieu à la fois amical et cérémonieux. Le mari de Rose sortit navré. Il ne pouvait plus se faire d'illusions. Le rétablissement de Marguerite allait le séparer d'elle pour jamais.